Quoi donc? Les voix de cet infini ne nous disent-elles rien? Est-ce que tous les mystères ne nous entretiennent pas les uns des autres? Est-ce que la majesté de l'océan ne proclame pas la sainteté du tombeau? Dans la tempête, dans l'ouragan, dans les coups d'équinoxe, quand les brises de la nuit balanceront l'homme mort aux poutres du gibet, est-ce que ce ne sera pas une chose terrible que ce squelette, maudissant cette île dans l'immensité? Est-ce que vous ne songerez pas en frémissant, j'insiste, que ce vent, qui viendra souffler dans vos agrès, aura rencontré à son passage cette corde et ce cadavre, et que cette corde et ce cadavre lui auront parlé? Non, plus de supplice. Nous, hommes de ce grand siècle, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons pas plus pour le coupable que pour le non-coupable. Je le répète, le crime se rachète par le remords et non par un coup de hache ou un nœud coulant. Le sang se lave avec les larmes et non avec le sang. Non, ne donnons plus de besogne aux bourreaux. Ayons ceci présent à l'esprit, et que la conscience du juge religieux et honnête médite d'accord avec la nôtre. Indépendamment du grand forfait contre l'inviolabilité de la vie humaine accomplie aussi bien sur le brigand exécuté que sur le héros supplicié, tous les échafauds ont commis des crimes. Le code de meurtre est un scélérat masqué avec ton masque, ô justice, et qui tue et massacre impunément. Tous les échafauds portent des noms d'innocents et de martyrs. Non, nous ne voulons plus de supplice. Pour nous, la guillotine s'appelle le Surc, la roue s'appelle Calas, le bûcher s'appelle Jeanne d'Arc, la torture s'appelle Campanella, le billot s'appelle Thomas Moru, la ciguë s'appelle Socrate, le gibet se nomme Jésus-Christ.